détails qui, d'après moi, sont un peu forcés. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Entre les tombes, version française et version originale anglaise. Les avions, les pompiers du ciel. Lucy et Mommy. À ne pas manquer dans le cadre du Festival de cinéma de la Ville de Québec, Cours de la Belgique, Cours Kinomada, hommage à Richard Lavoie III et Pride. Aussi, à ne pas manquer au Musée de la Civilisation, Aimer, boire et chanter, Lulu femme nue, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Super Chondriac et Un loup derrière la porte. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnés. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 18h30. Au programme musique trad faux contemporain, 12 de tous les temps pour votre plus grand agrément. En compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Lundi le 22 septembre 2014, bienvenue au Bouquin d'abord. Alors, bienvenue à l'émission Les Bouquins d'abord, en compagnie cette fois-ci de René Bolduc au micro. Alors, l'émission Les Bouquins d'abord cède le micro aux 5-6 semaines aux philosophes. Alors aujourd'hui, on a décidé, Émile Grigorov, bonjour. Bonjour René. Et Oscar Moya et moi-même, de consacrer l'émission à Albert Camus. Et je parlais à Émile, je me disais, mais pourquoi Albert Camus? Est-ce qu'on a une occasion spéciale? On a raté... en 2013, le 100e anniversaire de sa naissance, mais bon, tu m'as répondu, tu t'en rappelles. Oui, qu'il est toujours à la mode. Qu'il est toujours, c'est toujours pertinent de parler d'un grand auteur comme Albert Camus. Alors, évidemment, on y va un peu chacun selon ses intérêts, chacun selon ses coups de cœur. On ne pourra pas faire le tour de l'ensemble de l'œuvre. Alors, on rappelle que Albert Camus est né en Algérie en 1913, 7 novembre 1913, et qu'il est décédé le 4 janvier 1960 d'un accident d'automobile. L'automobile conduite par Paul Gallimard, sur une... Bon, je ne sais pas si tu peux préciser des détails qui sont peut-être pas très... J'ai oublié la marque, mais c'était une voiture de sport. Oui, je pense qu'il aimait beaucoup la vitesse, Gallimard. Oui, Gallimard, oui. C'était un amateur des voitures de sport. Oui. Bon, c'est ça, ils sont partis, mais ils ne sont jamais arrivés à Paris. Bon, alors c'est une perte quand même. Il est décédé, il avait quoi là, si je fais un petit... 47 ans. 47 ans. Hein? 47. Et il avait déjà obtenu le prix Nobel en 1957. Et avant Jean-Paul Sartre, on va glisser un petit mot plus tard sur la brouille entre Sartre et Camus. Et puis, ils sont quand même rares, ces auteurs, ces philosophes-là, à avoir... passez-moi l'expression, performer autant en littérature et en philosophie. Moi, j'en connais quand même quelques-uns, mais pas beaucoup, hein, qui ont été, disons, philosophes à part entière et avoir laissé leur marque dans ce domaine, et tout en produisant une œuvre romanesque, théâtrale, quand même aussi marquante. Mais moi, je crois plutôt que c'est la tradition française en philosophie, parce que depuis l'âge des Lumières, nous avons plusieurs exemples de ce genre de penseurs qui... Tu penses à Rousseau, à Voltaire, à Diderot, à l'encyclopédiste. Et puis au 19e siècle, c'est pareil. Nous avons Chateaubriand, nous avons... la philosophie française, la philosophie académique, oui, elle est vraiment quasiment inexistante au 19e siècle, à part Auguste Comte. Mais les idées étaient véhiculées par... Je crois que j'avais plus par... le 20e siècle à l'esprit, en ah, oui. sens okay, là. Oui, j'avais c'est peut-être ça. Un peu plus. Évidemment, il y a la famille existentialiste à laquelle Camus refuse d'appartenir. Ça, on pourra y revenir plus tard, mais bon... Alors, je pense que c'est le moment de faire une petite pause musicale avant d'entamer notre première chronique sur Albert Camus. Alors, vous êtes toujours à l'émission Les bouquins d'abord, en compagnie de René Bolduc et d'Émile Grigoroff. Et nous sommes toujours en attente d'Oscar Moyen, qui doit venir nous parler un peu plus tard de L'homme révolté. Alors, on espère qu'il nous entende et qu'il est sur la route, sûrement. Alors, parfois, bon, on parle de cycle chez Camus, d'absurde, révolte et même amour, ou amour, révolte. Bon, amour, absurde, révolte, mais bon, disons que je ne voudrais pas non plus m'enfarger dans ces détails-là de historiques. Pour préparer cette émission-là, j'ai relu L'étranger, le roman L'étranger, et je pense, là je me rajeunirai pas, je pense que la dernière fois que j'avais lu ça, c'était il y a un quart de siècle. Okay. Et j'avoue que c'est, je comprends pourquoi il fait partie des grandes œuvres de la littérature du 20e siècle. C'est un grand livre, évidemment, il nous dérange, hein, ce personnage-là de Meursault, qui reste toujours un peu indifférent, qui est plus ou moins en phase avec son monde environnant, toujours un peu indifférent, hein, face aux événements qui lui arrivent. Et par un concours de circonstances, il va se retrouver à tuer un Arabe. Bon, il avait un revolver sur lui qui ne lui appartenait pas, mais à un ami ou une connaissance, hein, parce que on peut pas dire qu'il a des amitiés très, très profondes, ce personnage-là. Et il tire un premier coup et il hésite. Et puis, il décharge son revolver sur cet homme-là. Bref, s'ensuit un procès, etc. Et il y a un événement qui va faire en sorte qu'on va condamner Meursault. C'est que, quelque temps auparavant, il y avait les funérailles de sa mère. Et il y a beaucoup de témoins qui ont signalé ceci. Il avait l'air, n'était pas triste aux funérailles de sa mère. Et ça, l'avocat de la couronne joue là-dessus. Et d'une certaine manière, on peut dire que si Meursault a été condamné, c'est parce qu'il n'avait pas été triste aux funérailles de sa mère. Qu'il l'avait placé lui-même dans une maison pour personnes âgées. Alors, mais tout est dans le style, évidemment. Bon, tout est... c'est le grand art de Camus. Et en revoyant un peu... d'ailleurs, tu vois mon exemplaire du mythe de Sisyphe, hein, c'est mon cousin Gérald qui m'a donné ça. Alors, ce n'est pas une édition très, très, très jeune. Et il faut lire là. Alors, tous les deux ouvrages ont été rédigés en 1942, L'étranger et Le mythe de Sisyphe. Et il faut relire les deux premières phrases de l'essai. Hein? Il n'y a qu'un, je lis, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Alors, quand on lit ça à 17 ans, 18 ans, j'avoue que ça marque. Ça marque énormément. Je sais pas quel âge tu avais, Émile, quand tu as lu ça. J'étais un peu plus âgé. J'avais 22 ans quand je l'ai lu pour la première fois, parce que je viens d'un pays où l'œuvre de Camus, avant le changement politique, n'était pas très, très, comment dire, favorable au régime. Accéder à cette œuvre était difficile. Ouais. Je précise que le pays d'Émile Grigorov, c'est la Bulgarie. Oui, c'est la Bulgarie. Ouais. Oui. Et les œuvres de Camus, les œuvres, le premier volume avec les romans de Camus est apparu à la fin des années 80, c'était 89 ou 88, quelque chose comme ça. Donc, OK. Donc, c'est ça, c'était difficile d'y accéder. Il est un petit peu à l'index. Là, oui. Le mythe de Sisyphe, c'est un livre qui se lit quand même assez bien, mais qui nous marque hein, par la profondeur des pensées qu'on y retrouve. Et là, il faut parler de... Mais c'est quoi l'absurde? Hein? Oui. Là, je vais me permettre deux, trois petites citations du mythe de Sisyphe. Alors, je le cite. « Ce divorce entre l'homme et sa vie, l'acteur et son décor, c'est proprement le sentiment de l'absurdité. » Et plus loin... L'absurde naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Comme si c'est un... Il renvoie à Pascal ici. C'est oui. L'être humain, son angoisse devant le silence des espaces. Pascal qui trouvera quand même une certaine solution devant ce silence-là. Évidemment, oui. C'est ce qu'on peut appeler le saut dans la religion ou un suicide philosophique. Il va refuser d'une certaine manière de faire vivre l'absurde, Blaise Pascal. Hein? Et plus loin, l'absurde est essentiellement un divorce. Il n'est ni dans l'un ni dans l'autre des éléments comparés. Il naît de leur confrontation. Et une dernière citation, « L'absurde, c'est la raison lucide qui constate ses limites. » Alors, oui, c'est lourd comme pensée. C'est lourd, mais est-ce que cela doit nous pousser vers une déprime totale, une dépression totale hein, Non, au contraire, chez Camus, c'est une raison de chercher, de donner par nous-mêmes un sens au monde, parce que le monde, en tant que tel, il n'a pas de sens. C'est ça. Mm-hmm. Raison peut donner du sens, mais Camus, il donne plus ou moins d'importance à cette raison-là, à la science. En tout cas, pas la raison universelle et universalisante. La raison existentielle, oui, peut-être. Mm-hmm. Le monde, selon Camus, n'existe pas pour être compris par nous. Il était là avant nous et il peut se passer de nous. C'est une intuition grecque chez Camus. C'est l'origine de sa pensée. Il y a au moins il y en a trois. Donc la pensée grecque avant Socrate, les moralistes français et la philosophie existentielle. Et là on voit cette intuition grecque, cette intuition tragique. Le monde, vraiment, il peut se passer de nous. Mais nous, par contre, on ne peut pas se passer du monde parce qu'on en fait partie. Et essayer de comprendre le monde, c'est notre façon de l'habiter. Ou au moins une des façons d'exister dans le monde. Ouais. C'est ça. Donc, refuser de faire face à l'absurde ou se retrouver dans une sorte de résignation, c'est pas une solution pour Camus. Faut pas tenter de résoudre cet absurde-là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Vivre avec. Le faire vivre. Le faire vivre. Oui. Oui. Et éviter ce qu'il appelle aussi le saut dans l'espoir. Et le suicide non plus n'est pas une solution. Ben, c'est faire disparaître l'absurde alors qu'il s'agit de le faire vivre. Oui. Et il faut absolument que je cite ce passage-là dans le mythe de Sisyphe. C'est que, dans le fond, la réponse de Camus au suicide, hein, c'est « Je puis aborder, alors je le cite, « Je puis aborder maintenant la notion de suicide. On a senti déjà quelle solution il est possible de lui donner. À ce point, le problème est inversé. Il s'agissait précédemment de savoir si la vie devait avoir un sens pour être vécue. Il apparaît ici au contraire, et là, je souligne qu'elle sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. » La vie sera d'autant mieux vécue qu'elle n'aura pas de sens. Donc, il faut faire son deuil, finalement, du sens et faire vivre l'absurde. Et Merceau, c'est notamment un tel personnage, un tel homme qui accepte l'absurde, qui le fait vivre. Moi, je pense qu'il y a chez Camus, il ne l'a jamais défini ainsi, mais comme deux façons d'habiter le monde, d'exister dans le monde, en propriétaire et en étranger. Alors, il y a le propriétaire s'approprie le monde en l'étudiant, en l'explorant, en essayant de l'aménager à sa façon. Et les propriétaires sont les créateurs de civilisation. De compte, d'ordre, moraux, et ainsi de suite. Mm-hmm. Alors que l'étranger est reçu par le monde et le reçoit à son tour tel quel, sans s'efforcer de l'ajuster à ses besoins, désirs, et ainsi de suite. Mm-hmm. Il se laisse aller au courant du monde. Le propriétaire s'oppose au monde en lui imposant les lois de sa raison, alors que l'étranger se laisse aller au courant du monde lui-même. Oui. Il y a cette opposition qui se joue chez Camus dans L'étranger, dans d'autres ouvrages. Alors, Émile, on va faire une petite pause musicale et on revient après la pause pour continuer à parler. Alors, vous êtes de retour à l'émission Les bouquins d'abord, spéciale philosophie en compagnie de René Bolduc et d'Émile Grigorov, et non pas d'Oscar Moya, mais bon. Alors, on discutait juste avant la pause musicale du mythe de Sisyphe, mais je voulais quand même rappeler c'est quoi le mythe de Sisyphe, hein? D'ailleurs, on lit peut-être le mythe de Sisyphe, plus le début, la fin et les études entre les deux des caractères de vie absurde, Don Juan, l'acteur. Peut-être qu'on va un petit peu plus vite là-dessus. Mais Sisyphe, c'est quoi alors Sisyphe? Alors, à la toute fin de son livre, Camus rappelle ceci. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé, avec quelques raisons, qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Alors voilà, pour Camus, Sisyphe, hein, est la figure de... C'est le héros absurde. Et malgré tout, nous dit Camus, hein, c'est la toute fin de son livre, qu'il faut quand même imaginer Sisyphe heureux. Heureux. Ouais. Alors voilà, ce n'est pas parce que le monde est dénué de sens, etc., qu'on est condamné au malheur. Dans un deuxième temps, alors, oui, on veut glisser un petit mot sur la peste, l'homme révolté. La peste est, disons, le deuxième grand roman d'Albert Camus. Es-tu d'accord avec moi, Émile? Oui, oui. Oui. C'est un grand roman. C'est un roman que Camus lui-même aimait beaucoup. Il a mis beaucoup de passion là-dedans. Ce roman nous présente en image et en symbole toute la problématique de l'homme révolté, en fin mm-hmm. de compte. Et je dirais même qu'il représente comme un pont entre les deux essais, les deux grands essais de Camus, notamment le mythe de Sisyphe et l'homme révolté. Alors, juste pour rappeler un peu l'histoire aux auditeurs qui n'auraient jamais lu ce roman-là, La Peste, hein, on est à Alger, c'est bien ça. Hein, oui. Il y a des rats qui meurent par milliers. Ça va durer à peu près une année jusqu'à ce qu'on trouve. On est à Oran. Oran. Oui. Ok, bon, dans la ville d'Oran, en Algérie. En Algérie. Et non pas bon. Non pas à Alger. Alors, ça va prendre du temps avant qu'on trouve un vaccin. Et puis, bon, la peste, c'est l'ennemi qui est présent. C'est un prétexte aussi pour Camus pour montrer différentes réactions hein, avec les personnages qui sont là. Il y a des résistants, hein, il y a le médecin, le docteur Bernard Rieu. Il y a des gens qu'on pourrait décrire un peu comme des collabos. Il y a la figure du prêtre, il y a quelqu'un qui profite de la situation. Alors, ce sont les idées qui sont mises. Mais notamment, le docteur Rieu, c'est Sisyphe. Ah. Parce que à un moment donné, ça prendra du temps pour trouver la citation, mais il dit que la raison, puis l'objectif final, une stratégie élaborée, ça l'intéresse moins. Ce qui l'intéresse, c'est de sauver autant de vies humaines que possible. Mm-hmm. Donc de lutter contre l'absurde tel qu'il se présente dans l'expérience et non pas contre l'idée de l'absurde. C'est ça. Mm-hmm. Il ne faut pas faire croire les gens qu'il n'y a rien de grave, qu'ils vont pas mourir, dit-il, mm-hmm. alors qu'ils vont mourir. Mm-hmm. Et notre tâche, c'est d'essayer de sauver autant de vies humaines autant que possible. Évidemment, il s'insurge contre le prêtre, qui ce personnage de Panelou, hein, qui essaie d'expliquer ça comme étant une punition divine et... comprend, il va modérer un peu son jugement, mais alors, pour lui, ça ne fait aucun sens. Là, que ce parce soit... que c'est une explication, c'est une tentative de la part du prêtre d'amadouer l'absurde, de trouver une explication, et ce faisant d'enlever le problème d'apaiser les consciences, si vous voulez, alors que l'objectif, c'est de faire face, de combattre mm-hmm. l'absurde. Mm-hmm. Et c'est le docteur Rieu qui le fait. Et puis, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur la peste, parce que j'aimerais qu'on parle un peu de l'homme révolté, pour qu'on puisse ensuite parler de la rupture Camus-Sartre et en venir plus tard dans l'émission, sur la réflexion sur la peine capitale. Alors, après le suicide, si on veut, après la question du suicide, du mythe de Sisyphe, voici la question du meurtre. Du meurtre. hein, entre autres. Je ne veux pas réduire toutes les thèses de l'homme révolté à ceci. Mais là, il y a une pensée chez Camus, beaucoup plus... alors qu'elle était peut-être plus individuelle dans le mythe de Sisyphe, alors ici, on a une pensée plus collective, plus politique. Hein? Il le dit lui-même dans l'homme révolté. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Alors, je le cite, « Dans l'expérience absurde, la souffrance est individuelle. À partir du mouvement de révolte est la conscience d'être collective. » Elle est l'aventure de tous. Alors, au moins le suicidé, lui, bien, préservait la vie des autres. Oui. Hein? Alors, et alors que lorsqu'on tue, hein, alors c'est un des grands scandales là, pour évidemment, Camus. Mais non, pas le crime en tant que transgression, disons, d'un ordre moral, mais le crime qui se fait au nom de l'avenir, au nom d'un monde meilleur, le crime rationalisé et rationnel. C'est ce genre de crime qui va indigner Camus. Oui, ils les appellent même les crimes logiques. Les crimes logiques, ils les opposent aux crimes de passion. Oui, à la limite, on pourrait comprendre, sans le pardonner complètement, qu'un crime soit commis de manière passionnelle. Oui. Mais là, au nom d'une idéologie, au nom d'un raisonnement, d'une certaine logique, là, on a affaire à la terreur. Et ça, Camus s'est toujours refusé. Il l'a dit magnifiquement bien, l'histoire moderne, l'histoire du 20e, surtout, elle a transformé le meurtrier en juge. Mm-hmm. Les meurtriers en juge qui vont trouver des raisons qui vont justifier des meurtres et des meurtres de masse par des idées nobles, mm-hmm. comme la justice, comme le bonheur, et ainsi de suite. Et Camus, il faut ici un petit peu envisager ces idées dans le contexte, en étant en France, quoi, les années 50, au tout début des années 50, où la gauche, disons, pro-soviétique, est oui, en plein oui. épanouissement. Et Camus et Hannah Arendt sont les deux grands penseurs occidentaux à signaler les crimes du régime soviétique. Mm-hmm. Et la gauche française, la gauche de la rive gauche, mm-hmm. n'a jamais pardonné à Camus cette audace d'avoir signalé notamment le caractère répressif du régime stalinien, du régime soviétique en général. Ouais. En tant que... Il décoche, il essaie de, pour l'instant, disons Camus, dans L'homme révolté, de préserver un peu ses amis de la famille existentialiste, mais il les écorche quand même au passage. En lisant, on voit bien, ici, par exemple, une autre citation, parce que lorsqu'il fait la distinction entre révolte et révolution, oui. entre oui. autres, alors il dit que, un instant... avant d'aller plus loin, il faut au moins mettre en clair cette contradiction. Elle n'est pas bien définie lorsqu'on dit, comme nos existentialistes, par exemple, soumis eux aussi pour le moment à l'historisme et à ses contradictions, qu'il y a progrès de la révolte à la révolution et que le révolté n'est rien s'il n'est pas révolutionnaire. Et fin de la citation, mais Camus est contre ça. Il est... C'est comme s'il voyait toujours dans la révolte quelque chose de plus noble que la révolution qui, Absolument. Elle, va suivre une logique meurtrière jusqu'au bout. Et là, c'est la liberté du révolté, de toujours retrouver une forme de tendresse, si on veut, face à une forme de cœur. Il va encore plus loin. Il va suggérer que la révolution tue la révolte. La révolte meurt dans la révolution. Et là, il s'en prend directement à Merleau-Ponty, à son essai « Humanisme et terreur », là où il va justifier la terreur révolutionnaire. Okay. Ouais. Bon. Alors, on va faire une petite pause musicale et on va revenir vous parler de cette rupture Camus-Sartre. La Rotonde, notre mission. Favoriser et promouvoir dans sa région le développement de la danse contemporaine, de ses professionnels et de ses divers publics. Notre vision. La Rotonde se veut le berceau et le tremplin de la danse contemporaine. Reconnue et estimée à titre de diffuseur de spectacles, elle vise à devenir un véritable centre chorégraphique au service de sa communauté, dans un lieu adapté qui a pour nom la Maison pour la danse de Québec. La Rotonde, notre mandat. La diffusion de spectacles d'origine locale, nationale et internationale dans divers lieux, l'accueil d'artistes étrangers et les échanges d'artistes internationaux, les résidences de création, l'offre de studios et de bureaux à la communauté et la co-présentation d'œuvres multidisciplinaires intégrant la danse. En pleine évolution depuis 1996, la Rotonde participe étroitement au dynamisme et à l'essor que connaît le milieu de la danse à Québec. La Rotonde vous invite à découvrir sans attendre sa fabuleuse programmation de danse contemporaine pour la saison 2014-2015, riche de 12 œuvres chorégraphiques d'exception. Pour sa nouvelle saison, le Palais Montcalm vous invite à participer au concours « Mes goûts, mes choix ». Vous préférez le style musique du monde, pop ou folk? Plus de 25 concerts tout au long de cette nouvelle saison, dont Richard Desjardins et Alexandre Dacosta, Glamour Tango, Sarah Sleen, Florence K, Agnès Obel, Pat Metheny. Vous gagnerez ce que vous aimez, soit une paire de billets pour 3 spectacles de votre choix. Pour participer, allez sur la page Facebook du Palais Montcalm dans l'onglet Concours. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeu, dessin et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Vous écoutez CKRL. Oui, alors vous êtes de retour à l'émission Les bouquins Québec. D'abord en compagnie de René Bolduc au micro et d'Émile Grigorov. C'est toujours le spécial Albert Camus. Alors on a déjà commencé à en parler un petit peu sur cette rupture-là entre Sartre et Camus. Il faut dire que, et c'est à la parution de L'homme révolté. Il faut dire aussi qu'ils se connaissaient de manière intime. C'était des gens qui se fréquentaient. Avant même de se rencontrer physiquement une première fois, ils se sont connus par leurs écrits. Et ben voilà, alors ils se respectaient l'un l'autre et puis bon, ils sont devenus des gens qui se côtoyaient. Et bon, arrive la parution de... Même s'ils avaient, bon, discutaient comme peut-être comme des amis, ils n'étaient pas d'accord sur tous les points, mais tout à coup, bon, paraît bon, L'homme révolté. Et puis là, bon, on a traité un peu Camus de, comment dire, de peut-être d'un rêveur, d'une espèce d'idéaliste. Moraliste. On disait, c'est un peu moraliste et quelqu'un qui était peut-être un peu mou quand il était le temps d'agir concrètement. Et puis, l'homme, bon, il y avait déjà eu des extraits de L'homme révolté qui étaient parus dans Les Temps modernes, qui est la revue de Sartre, hein, dirigée par Sartre et Beauvoir et compagnie. Et les réactions tardent à venir. On parle de L'homme révolté, bon, dans les magazines, ça prend des mois. Mais là, Sartre a une patate chaude dans les mains. Il n'est pas d'accord avec les thèses défendues par Camus dans L'homme révolté, celui qui condamne, bon, qui joue au moraliste, hein, comme tu dis, Émile. Et par amitié, c'est aussi par amitié. Il sait que s'il ouvre, il dit tout ce qu'il a à dire, alors là, ça va aller mal. Et puis, il paraît aussi qu'Albert Camus était un type assez susceptible. Hein, il répondait. Hein, oui. Vous ne prenez pas trop la critique. Hein. Sartre, c'est l'aîné. Bon, puis. Donc, il y a quelqu'un du nom de Janson, Francis Janson. Francis Janson, oui. À qui Sartre demande de, tu vas faire une recension de l'homme révolté. Et là, déjà dans l'homme révolté, sur l'art et la révolution, il y a des propos Camus assez incendiaires contre des poètes communistes comme Lautréamont, Breton. Oui. Et c'est sûr que je vais citer une phrase de Breton vers 1933. Breton a dit ceci, et ça, Camus ne pouvait pas l'accepter. Je vais citer Breton, 33. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Fin de la citation. Mais là, t'as beau être poète surréaliste, il y a toujours des limites. Ça, Camus ne le prend pas. Mais la critique que Janson fait, c'est un critique marxiste et il reproche à Camus de ne pas tenir compte, par exemple, des infrastructures économiques, des classes sociales. Il refuse l'histoire et ce genre de... Bon, il ne tient pas compte des luttes réelles. Il est un peu dandy là, dans ses propos. Tout ça a l'air un peu romanesque. Il parle de... Humanisme vague. Oui, un humanisme. Et puis même, Janson va lui reprocher de citer des auteurs qu'il maîtrise c'est plus ça. Ou moins. Marx, Engels n'apparaissent pas dans L'homme révolté. J'ai ici, je peux citer juste deux extraits de cette. De Janson. Du compte-rendu, oui, je l'ai. OK, oui. L'espoir de Camus serait-il vraiment de supprimer le cours du monde par le refus de toute entreprise dans le monde? Mm-hmm. Un peu plus par après. L'histoire nous prend, mais nous la comprenons. Nous ne cessons de la faire, mais elle nous fait aussi. Et le risque est sérieux pour nous d'être par elle assez souvent refait. Or, il est vrai que Camus justement tente à nous proposer de ne l'être jamais par le moyen de ne rien entreprendre. Mais ce principe négatif ne saurait fournir aucun critère pour le comportement pratique puisqu'il s'agit précisément de ne plus se comporter du tout. Alors, ne plus se comporter du tout. Alors là, c'est la critique de Janson à Camus. Là, oui, et qui... c'est une critique absolument impertinente parce que Camus, il a démontré, il a prouvé qu'il était toujours engagé, mm-hmm. Qu'il n'avait aucunement peur de livrer des combats. Oui. Oui. Même au sens strict du terme, parce que c'était le seul parmi ce cercle autour de Sartre à participer à la résistance de façon active. Okay. Oui. Et il le rappelle dans sa réponse. Oui. Mais Camus va répliquer en disant qu'il il comprend pas pourquoi on appliquait une grille d'analyse marxiste de telle manière, alors que c'est pas vraiment son propos là. C'est bon, et c'est quand même... bon, à la mort de Camus, Sartre va dire ceci, « Une brouille, ce n'est rien, ce n'est qu'une autre manière de vivre ensemble. » Et même à 70 ans, à propos de Camus, Sartre va dire « C'était peut-être le dernier ami, c'était le dernier qui était un bon ami. » Parce qu'ils ont sans doute... continuer à être communiqué par écrit, là, interposé et tout. Le 7 janvier 1960, trois jours après sa mort, il a publié dans la lettre française, je crois, non, peu importe, François, un texte à l'hommage d'Albert Camus, où il avoue que même après la brouille, il pensait quasiment chaque jour à Camus. Que dirait-il à propos de tel et tel événement, à propos de tel et tel livre, etc. Donc Sartre, il n'a jamais cessé d'aimer Camus. Ouais. Moi, je m'y connais pas assez pour savoir qui a raison, qui a tort, Camus ou Sartre. Puis peut-être que l'engagement de Sartre est aussi à relativiser. Il faut voir. Je vais le mettre sur notre page Facebook. Il y a de l'auteur Ronald Aronson, Camus et Sartre, amitié et combat. Alors, c'est tout un ouvrage consacré uniquement au rapport entre ces deux géants du 20e siècle. Et justement, parlant de géants, on va pouvoir entendre Camus lui-même lors du discours. Oui, on a Camus avec nous. Oh là là. Alors, lors de la réception du Nobel en 1957, on a un petit extrait ici à vous faire entendre. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera. Alors, pendant que notre metteur en onde, Gerrit, essaie de retrouver Camus... Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Héritière d'une histoire corrompue, où se mêlent les révolutions déchues, les techniques devenues folles, les dieux morts et les idéologies exténuées, où de médiocres pouvoirs peuvent aujourd'hui tout détruire, mais ne savent plus convaincre, où l'intelligence s'est abaissée jusqu'à se faire la servante de la haine et de l'oppression, cette génération a dû, en elle-même et autour d'elle, restaurer, à partir de ces seules négations, un peu de ce qui fait la dignité de vivre et de mourir. Devant un monde menacé de désintégration, elle sait qu'elle devrait, dans une sorte de course folle contre la montre, restaurer entre les nations une paix qui ne soit pas celle de la servitude, réconcilier à nouveau travail et culture, et refaire avec tous les hommes une arche d'alliance. Il n'est pas sûr qu'elle puisse jamais accomplir cette tâche immense, mais il est sûr que partout dans le monde, elle tient déjà son double pari de vérité et de liberté, et à l'occasion, sait mourir sans haine pour lui. C'est elle qui mérite d'être saluée et encouragée partout où elle se trouve, et surtout là où elle se sacrifie. Et c'est sur elle, en tout cas, que certains de votre accord profond, je voudrais reporter l'honneur que vous venez de me faire. Alors voilà, j'espère que vous avez entendu. Sinon, ça se retrouve assez facilement sur Internet, ce discours. Et c'est toujours bien ou c'est agréable d'entendre sa voix. Alors, il venait de dénoncer ce nihilisme qui a mené aux grandes guerres du 20e siècle. Je ne sais pas si on a entendu la toute première phrase lorsqu'il dit « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Thank you. Oui, alors c'est René Bolduc au microphone. C'est l'émission Les bouquins d'abord, spécial Albert Camus aujourd'hui. Et en passant, on peut écouter aussi des textes sur, pour ne pas le nommer, YouTube, où Camus lui-même lit, si je ne me trompe pas, L'étranger au complet. Bon, hein? Aujourd'hui, hein, la technique ne fait pas que des choses monstrueuses. Elle peut parfois nous rendre présents des Absolument. Écrivains aujourd'hui. Et quand on a commencé à préparer l'émission, je me disais, bon, mais qu'est-ce que... Il y a quand même un fil conducteur, peut-être plus qu'un fil conducteur dans la pensée de Camus, dans son œuvre. Mais s'il y a un fil conducteur, c'est la question de... La peine capitale, de cette mise à mort-là, d'un point de vue logique. Et ce qui est... Je ne sais pas si Camus lui-même, ou son... c'est dans L'étranger, mais est-ce que Camus lui-même a déjà, à ta connaissance, a déjà assisté à une exécution? Lui, non, mais son père. Son père, en fait, comme dans L'étranger. Comme... Il a perdu son père, il n'avait oui. aucun souvenir de son père, parce okay. qu'il était oui. Très jeune lorsque son père est mort, si ma mémoire est bonne, en 1914, oui. tout juste après oui. la bataille de Marne. Il a, je crois que c'était sa mère ou sa grand-mère, je me souviens plus, qui lui racontait l'histoire. Son père était un partisan de la peine de mort, et oui. Ah. Une fois, il est allé assister à une exécution. Il a marché longtemps à pied pour aller voir l'exécution, et après être revenu à la maison. Il n'a pas dormi, il a vomi, je crois. Il a très très mal vécu le spectacle de la ouais, mise à mort de quelqu'un. Ça l'a ouais. dégoûté profondément. Et bon, il paraît J'imagine que Camus qu'il a changé d'avis après ça, après avoir vu cette exécution-là. Est-ce qu'on le sait? Probablement, probablement. De toute façon, il est mort lorsque Camus était un bébé. Mm-hmm. Mais il paraît que Camus a été marqué par ce récit. Oui, par oui. ce souvenir. Qu'on retrouve dans L'étranger. Dans L'étranger, oui. Oui. Oui. Okay. Je crois que, bon, généralement, oui, c'est un fil rouge qui traverse toute l'œuvre de Camus. Le meurtre prémédité, le meurtre rationalisé, la peine, et plus généralement la violence rationalisée. Tu veux qu'on en parle immédiatement ou est-ce que j'en glisse un petit mot? Oh non, non, tu peux m'interrompre à tout moment. Qu'on retrouve dans, je pense que tu affectionnes particulièrement cette pièce de théâtre de Camus, Les Justes. Les Justes, oui. Hein, justement, où il s'agit d'aller tuer un instant, là, l'oncle du tsar ou le grand-duc Serge, l'oncle du tsar. Hein, l'action se situe à Moscou, 1905. Oui. Le peuple est écrasé, donc les révolutionnaires veulent commettre un attentat. Hein, et ils disent... il y a le personnage de Kaliaïev, entre autres, dit ceci: « J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. Oui. » Mais ce qui l'avait empêché quand même d'agir au début, c'est qu'il y avait des enfants. Oui. Donc, oui. Donc la logique froide, ce meurtre-là calculé, n'avait pas fonctionné, même au nom de... La terreur. Là. Oui, Camus était un des rares connaisseurs qui connaissait en profondeur la tradition russe. Et là, nous avons une confrontation dans cette pièce entre deux versions, disons, du populisme russe et de l'idéologie révolutionnaire. Celle des la version plus humaniste, disons, qui va mettre quand même des limites, qui va imposer des limites à la violence, et la version nihiliste, la version bolchevique. La fin justifie les moyens. Et là, nous avons un représentant, Stepan, de cette fraction, disons, qui dit, Le jour où on ne pensera plus aux enfants, ou à épargner les vies des enfants, la révolution triomphera. Oui. Et c'est bon. Il y a des phrases comme nous tuons pour bâtir un monde où plus jamais personne ne tuera. Hein? Oui. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. Oui. Alors, à cette logique, la fin justifie les moyens, la logique machiavélique, reprise d'ailleurs par Lénine, Camus oppose une autre logique formulée dans une question très simple. Si la fin justifie les moyens, qu'est-ce qui justifie les moyens sinon la fin? Ouais. Il faut penser. C'est bien beau vouloir libérer le peuple, et puis et on le voit encore de nos jours. Il y a certaines logiques meurtrières qui s'appliquent au nom de d'idéologie. Oui, au nom du peuple. Au nom du peuple. Les djihadistes qui vont décapiter des gens ou bon. Entre autres, parce que tu as mentionné les djihadistes, la peste de Camus, j'ai lu récemment un article, se lit en Iran comme une allégorie, oui, ben, clandestinement bien sûr, okay. Comme une allégorie de l'islamisme et du djihadisme. Quoi, la peste, c'est la peste. L'islam. Oui, c'est l'islam. Ah bon, l'islamisme, pardon. L'islamisme, oh, pas l'islam. S'il vous plaît, ne téléphonez pas. Non, pas l'islam. Oui. Camus, il avait éprouvait un profond respect à l'égard du sentiment religieux. Mm-hmm. N'importe la confession, christianisme, islam, judaïsme, peu importe. C'était quelqu'un, à la différence des existentialistes, qui était beaucoup plus, combatif. Contre, un activisme contre. Il était censé. Oui. Il était beaucoup plus, tolérant. Et même... Même s'il ne partageait pas les visions des religieux, qui faisaient ce suicide de la pensée, qui résolvaient l'absurde à leur façon. Oui, mais les églises, c'est pas le sentiment religieux, c'est quelque chose de bien plus grand que les confessions. Et oui. Il éprouvait ce respect à l'égard du sentier. Donc, c'était une erreur de l'islamisme, le fondamentalisme, le djihadisme, si vous voulez. C'est ça, la peste. Mm-hmm. Quoique, dans le roman de Camus, elle symbolise, c'est une allégorie du nazisme qui était en train d'envahir l'Europe. C'était juste, je voulais rappeler ça. Sinon, les réflexions sur la peine de capitale de Camus, d'après toi, sont toujours à découvrir, à lire, actuelles. Oui. Elle est présente partout. Moi, j'essaie de comprendre sa pensée sur la peine capitale dans le contexte de la philosophie existentielle, notamment de ces deux façons d'habiter le monde, en propriétaire et en étranger. Donc la peine de mort, dans le contexte de cette philosophie, c'est un produit de la pensée métaphysique. C'est pas une peine barbare, c'est un produit de la civilisation. Et elle n'a de sens que dans le contexte de l'idée que la mort n'est qu'un passage à un autre monde. Et puisqu'il y a un autre monde, le monde... Donc quoi, ce n'est pas si grave que faire mourir des gens. Il a un sens. Le monde a un sens. La vie a un sens. C'est la base métaphysique de cette peine, de la peine capitale. Et voici, ici, je vais citer une chercheure qui s'intéresse notamment à la peine de mort et à la réflexion de Camus sur la peine de mort. La croyance en la vie éternelle est la seule condition susceptible de donner raison à l'usage de la peine capitale, parce que c'est seulement ainsi qu'elle n'est pas irréparable et définitive, la peine capitale. Okay. Oui, oui, oui. Alors, donc là, le monde a un sens, la vie humaine a un sens, le criminel, il s'est écarté de la bonne voie, de la bonne route, alors il faut le remettre là. Il faut, on reprochait aussi à la peine capitale d'empêcher toute réhabilitation possible, Mais là, avec cette vision métaphysique-là, un au-delà, oui. Eh bien, il y aura rachat possible. Alors. Absolument. Mais Camus, il pose... Mais si le monde n'avait ni essence, ni telos, c'est-à-dire finalité, but, alors la peine de mort ne serait qu'un acte de vengeance des propriétaires, mm-hmm. de ceux qui se sentent chez eux, dans la... Là, de la part des exécutants, quoi, ils rendent service à la personne qu'on tue? On t'envoie immédiatement de l'autre côté, du côté de Dieu? Oui, oui, il y a cette justification de la peine de mort, et c'est pas depuis l'aube de la modernité. Car... Et cette peine de mort-là englobe tous les cas, que ce soit des meurtres au nom d'idéologie ou que ce soit des meurtres dans la vie de tous les jours, là, qu'on soit en contexte guerrier ou contexte de société. D'où les questions de la justification de cette pénalité, de la peine capitale. Oui. Une dernière phrase, s'il te plaît. La civilisation, les propriétaires se vengent contre ceux qui, comme Merceau, qui refusent de jouer le jeu de la civilisation, dont la règle de base de la civilisation, de cette jeu, c'est le monde a du sens. Alors, et s'il n'avait pas de sens, alors voyons Merceau qui va finir par être décapité. Alors, est-ce qu'on fait... on a du temps pour une petite pause musicale avant la conclusion? Oui. Alors, c'est la conclusion du spécial Camus aujourd'hui, pour terminer. Alors, c'était un peu difficile de... Moi, je suggérerais, si jamais vous n'avez jamais lu Le mythe de Sisyphe, alors au moins la partie, le raisonnement absurde, à mon avis, c'est indépassable. Et L'étranger, Les Justes aussi, que tu apprécies beaucoup. Oui. Émile, toi, tu aimes tout, hein, de Camus, alors c'est difficile pour toi de... Ou presque. Qu'est-ce que je peux suggérer? Peut-être une lecture attentive de du discours à la réception du prix Nobel. Celui qu'on a entendu, dont on a entendu quand même, un extrait. C'est quand même long, une dizaine de pages, mais c'est essentiel. Oui. Puis on voit Camus mature en 1957, déjà 3 ans avant sa mort. Et peut-être, je suggère de lire une lecture parallèle, Camus-Nietzsche. Bon, ah, et je m'arrête là. Oui, qui est présent, évidemment, dans L'Homme révolté. Alors, on espère que ça vous a plu, que ça vous a donné le goût de lire, de relire Camus. Et puis, en terminant, peut-être des petites actualités. Alors, dans le cadre des Journées de la culture, les éditions Alto alors nous invitent à venir célébrer la parution de Révolution de Dominique Fortier et Nicolas Dickner. Hein, c'est tout un projet, autour de... c'est une sorte de lexique. Ça se passe vendredi, 17h30, au Morin Center. Il y a aussi des conférences demain à 19h à la Maison de la Découverte des Plaines d'Abraham. Ça concerne la venue du traité de Paris de 1763. Et il y a une réédition aussi de « Québec sous la loi des mesures de guerre », un ouvrage de Jean Provencher. Et alors, on vous invite jeudi de 17h à 19h à la librairie du quartier. Merci beaucoup, Gerrit Dogger, à la mise en onde. Vous restez en onde pour l'émission « Les bâtards ». Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. C'est tiré d'un album compilation qui s'appelle Sénalé Volume 4. J'ai fait quelques recherches non exhaustives. J'ai pas trouvé les volumes 1, 2, 3. OK. Mais c'est des compilations? Oui. Artistes variés? Oui. Le sous-titre, c'est Filthy Sleazy 50s Trash. C'est trop hot. Nicolas Dumont et François Simard animent Les Bâtards dans un instant. Danny Placard vous présente son nouvel album Santa Maria. C'est pas parce que là il fait noir qu'il fera plus jamais clair. En spectacle au Cercle, jeudi 2 octobre à 20h. C'est pas parce qu'il neige depuis 3 jours, demain il va neiger encore. Il est en vente dès maintenant sur lepointdevent.com. Non, c'est pas parce que t'as raison. Le 28 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité-Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Réservez votre dimanche 28 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. La course de la Cité-Limoilou vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, Actev, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Courez pour aider. 89.1.